17-29, observation. Autrefois et maintenant. Imparfait et présent. Observez les différences de prononciation entre le présent et l'imparfait du verbe parler. Présent, je parle. Imparfait, je parlais. Tu parles, tu parlais. Il parle, il parlait. Il parle, il parlait. Pour les personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, nous avons le son « e » au présent et le son « est » à l'imparfait. Présent, nous parlons. Imparfait, nous parlions. Vous parlez, vous parliez. Notez que pour la première et la deuxième personne du pluriel, il y a une semi-voyelle « ye » additionnelle à l'imparfait. Observez maintenant la différence de prononciation des terminaisons des deuxièmes personnes. Tu parlais, vous parlez, vous parliez. Tu voulais, vous voulez, vous vouliez.